1944, le gouvernement de Vichy s'enfuit en Allemagne, au château de Sigmaringen. Pierre Assouline raconte dans son nouveau roman comment se joua là, entre passion et trahison, le destin de Pétain, de Laval et d'un millier de collaborateurs français. Un épisode méconnu de notre histoire à découvrir dans Sigmaringen, le nouveau roman de Pierre Assouline, aux éditions Gallimard. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Demain, samedi 8 mars, sera la Journée internationale de la femme. Franck Ferrand a choisi de célébrer l'événement à sa manière. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. De belle manière, à mon avis, puisque j'ai convié mon amie Macha Merrill à venir nous parler des femmes amoureuses. Elle est bien placée pour parler de ça, croyez-moi. Avouez qu'on en a connu des façons pires, et même bien pires, de terminer la semaine. Et pour nous mettre en jambes, si j'ose dire, je vais commencer par vous parler du dernier amour de George Sand. Et puis tout à l'heure, à quelques minutes avant la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Julien qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Julien qui voudrait connaître l'origine de la représentation des auréoles au-dessus de la tête des saints et des saintes. Eh bien, nous allons tâcher de répondre à Julien. Pour le moment, celle dont je voudrais vous parler n'est pas précisément une sainte. Europe 1, au cœur de l'histoire. Chaque fois que je mets les pieds dans le Berry, le beau Berry, le doux Berry, je tâche de faire un saut jusqu'à Nohant. Et je me plais à rêver au temps, après tout pas si lointain, où les invités de la bonne dame de Nohant descendaient du train à la gare de La Châtre, au milieu d'un nuage de vapeur, et gagnaient la maison en voiture à cheval sous la conduite d'un cocher qu'on avait envoyé exprès au-devant d'eux. Les invités, c'était Alexandre Dumas, Théophile Gautier, plus tard Gustave Flaubert, Ivan Tourguenieff, qui faisaient le voyage depuis Paris pour visiter, j'allais dire, ce monument des lettres, ce grand témoin du temps qu'était devenu George Sand. Il venait rendre hommage à la femme sans doute la plus étrange de son siècle. Entre nous, je ne jurerais pas qu'elle passerait inaperçue dans le nôtre. Il venait visiter l'étonnant écrivain aux yeux noirs et languides, au teint mat, aux traits un peu lourds, cette Aurore Dupin, qui avait pris un nom de plume aussi masculin que les vêtements qu'elle adorait porter, cette femme excentrique qui fumait le cigare après les repas sans pour autant être admise à entrer au fumoir, rebelle, George Sand, passionnante, emportée, amoureuse, ça oui, et verte encore jusqu'aux confins du grand âge. Dès l'arrivée à Nohant, la façade, faut voir ce que c'est que cette maison, hein, grande façade d'époque Louis XVI, un peu sévère, couverte, bordée de hautes frondaisons assez imposantes, tout ça nous rappelle qu'on n'est pas chez n'importe qui. Invraisemblable Georges. Je vous ai dit déjà que sa grand-mère était fille naturelle d'un des plus grands capitaines de l'histoire de France, le maréchal Maurice de Saxe, on avait fait une émission là-dessus. Pour la retrouver telle qu'en elle-même, il me semble que c'est dans la cuisine de Nohant, vous savez, dans l'office au cuivre astiqué qu'il faut aller la chercher. Elle aimait y concocter elle-même des recettes de son invention et elle pouvait se remettre au fourneau en plein cœur de la nuit simplement parce qu'elle avait un petit creux et pour se faire une omelette où elle excellait, dit-on. Nohant est une retraite austère, disait-elle, élégante et riante d'aspect, mais en réalité solitaire et pour ainsi dire imprégnée de mélancolie. Si vous demandez à Madame Sand pourquoi dès lors elle se complaît au lieu de son enfance, « Mais parce que je m'y sens bien, s'exclame-t-elle, j'ai toujours aimé ce pays, cette nature, ce silence. » Je vous propose un petit tour de la maison maintenant si vous voulez. Alors vous avez le salon bourgeois garni d'un mobilier assez simple, assez campagne française, une belle salle à manger où l'on trouve le couvert déjà mis pour une dizaine de convives. Ce que j'ai envie de vous montrer surtout c'est le petit théâtre de société là-bas au fond, aménagé par Maurice, le fils de la dame. On y voit encore son castelet de marionnettes façon guignol. Et puis, alors là, extraordinaire, le grand décor fausse pierre de toutes les couleurs de l'escalier. Vous savez l'escalier dont la cage est en forme de demi-cœur. C'est assez extraordinaire, ça tombe bien puisque nous parlons d'amoureuse. Un escalier digne d'un phare de haute mer et qui conduit aux chambres. Celle de George Sand est ornée d'un papier peint bleu et blanc. Vous le voyez aujourd'hui tel qu'il était de son temps. C'est ici, dit-on, qu'elle passait le plus clair de son temps. C'est dans cette pièce qu'il faut imaginer, étendu à peu près nu sur le lit de dentelle, un jeune homme brun d'une trentaine d'années. Il est à peu près du même âge que Maurice, le fils de George Sand. Seulement, il est son amant. Le dernier d'une longue série. Et quand je dis le dernier, ce n'est pas seulement le dernier en date, c'est vraiment l'ultime. On connaît les amants célèbres de George Sand, à commencer par Musset et Chopin, bien sûr, mais on sait somme toute assez peu de choses de cet Alexandre qui a été son dernier amour. Dois-je vous rappeler que, trois décennies plus tôt, elle avait été mariée à un certain François-Casimir Dudevant, avocat à la cour royale, ce qui avait fait d'elle la baronne Dudevant. Elle lui avait donné deux enfants, Maurice et Solange. Solange dont la paternité fait question du reste, parce que déjà, Aurore, George Sand si vous préférez, collectionnait les amants. Aurélien de Sèze, puis Stéphane Ajasson de Grandsagne, qui serait, dit-on, le père biologique de la petite Solange. La situation conjugale se dégrade vite, le mari boit, il est odieux, violent, il trompe lui aussi son épouse, avec des servantes, à l'époque que c'était banal. Aurore, quant à elle, a un immense désir d'indépendance, elle veut travailler. Bientôt le couple fait chambre à part, et puis inévitablement, ils se séparent. Au moment de sa séparation, Aurore a déjà entamé une relation avec le romancier Jules Sandeau. C'est à ses côtés qu'elle adoptera le pseudonyme de George Sand, vous savez. Elle rompt avec Sandeau au début de l'année 1833, après qu'il l'a trompée. Elle entretient ensuite une brève liaison avec Prosper Mérimée. Vous allez voir, il y a quand même un certain nombre de célébrités dans la liste, évidemment, des amants de George Sand. Le 17 juin 1833, elle rencontre Alfred de Musset, avec qui elle aura une histoire d'amour orageuse et passionnée jusqu'à leur rupture définitive en mars 1835 et puis après un certain nombre d'amants dont je vous fais grâce avant le célèbre Frédéric Chopin qui va partager 10 ans de sa vie. George Sand a en effet une sorte de elle s'arrête si je puis dire sur Chopin. Mais son grand et dernier amour n'est ni un romancier célèbre, ni un compositeur de génie. C'est un petit graveur sur cuivre. Son nom est donc Alexandre Manceau. De toutes les relations de George Sand, ce sera la plus longue. Et pourtant, elle ne cite elle-même jamais son amant. Ni dans son dernier livre, La célèbre histoire de ma vie, ni dans aucun autre ouvrage. Evelyne Bloch-Dano a publié en 2010 un livre passionnant consacré à cette histoire d'amour. Et elle écrit à propos d'Alexandre Manceau, je la cite, « Son talent de graveur, sa fierté, son humour gouailleur, son courage, son habileté manuelle, son activité, ses emportements, son amour, son inlassable bonté et ses secrets disparurent avec lui. » Revenons, si vous le voulez, à l'année où tout se met à changer, à 1847. Cette année-là, Sand vit une passe difficile sur le plan personnel. Sa fille Solange rompt au dernier moment ses fiançailles avec Fernand Despréaux pour épouser le sculpteur Auguste Schlesinger. Le couple ne va pas bien, enfin il est bientôt ruiné. Il va pas tarder à venir demander l'aide de George Sand, qui va refuser et se verra obligé de les mettre à la porte. Evelyne Bloch-Dano nous raconte cet épisode. Le drame, dit-elle, survient en juillet 1847 à Nohant, où elle a invité le couple. Schlesinger lui demande d'hypothéquer Nohant pour éponger ses dettes. George Sand refuse. Le sculpteur et sa jeune épouse entreprennent de rafler tout ce qui leur tombe sous la main, entassant dans des caisses flambeaux, courtes pointes en soie, vases, et même le faune en bronze offert par Schlesinger lui-même, ce qui est un comble. Une dispute éclate. Furieux, celui-ci brandit le marteau avec lequel il cloue ses caisses à la tête de Maurice, donc le fils de George. George s'interpose et reçoit de son gendre, qu'elle attrape par les cheveux, un coup de poing dans la poitrine. Maurice, fou de rage, file chercher ses pistolets. Le curé, domestique accouru en hâte, maîtrise Schlesinger. George jette le couple diabolique à la porte, selon sa propre expression. C'est cet événement qui, du reste, va mettre un terme définitif à sa longue histoire avec Chopin, puisque celui-ci, vous savez, va prendre la défense de Solange contre George Sand. En 1848, son demi-frère Hippolyte meurt, certainement affaibli par ses excès d'alcool à répétition. 1848, je me permets de vous rappeler que c'est l'année de la Révolution, hein, février 48, c'est le moment où l'on chasse Louis-Philippe du trône et que s'installe la deuxième révolution, la deuxième république. George Sand va croire beaucoup dans cette révolution avant de déchanter, non moins. En 1849, elle perd cette fois une de ses plus proches amies, la célèbre comédienne et égérie d'Alfred de Vigny, Marie d'Orval, et la même année, elle doit aussi affronter la mort de Chopin, dont elle s'était donc séparée à peine 2 ans auparavant. Il est emporté par la tuberculose, et ça, bien sûr, ça va être un événement très important pour elle. Elle rencontrera Alexandre Manceau en décembre 1849. Chopin sur Europe 1, un extrait de l'étude numéro 3, interprété au piano par Georges Xifra. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au dernier amour de Georges Sand, Alexandre Manceau. Alors, Sand, je vous l'ai dit, traverse une passe difficile. Catherine Guénec, auteure du Petit Livre des Grandes Histoires d'Amour, nous en dit un peu plus. Elle a 45 ans, écrit-elle, elle est très célèbre, très triste, très seule et tellement lasse. Les attaques, les critiques parisiennes, la faillite de la révolution de février 1848, les enfants décevants, sa fille surtout, Solange la mal-aimante, la famille, les amis et les amours qui disparaissent, Jeanne, sa petite-fille chérie, son demi-frère Hippolyte, Marie d'Orval, son amie, son amante de jeunesse, et Chopin, bien sûr. Sand écrit dans un de ses agendas « Mon cœur est un cimetière, ma pensée s'entretient désormais aussi souvent avec les morts qu'avec les vivants ». Sa dernière aventure remonte à quelques mois auparavant. Il s'agissait d'un certain Victor Bory, une masse de graisse peu glamour doublée d'un homme fragile, nous dit Catherine Guénec. Elle est donc seule avec sa famille et des invités, des habitués comme le peintre Gene Lambert ou sa vieille amie Laure de Serre. Elle est là pour Noël 1849, mais il y a également 2 nouveaux venus, un Allemand, Hermann Müller-Sturbing, que Catherine Guénec décrit comme un grand costaud blond de 37 ans. Il serait un révolutionnaire réfugié en France et hébergé chez des amis de Georges pour échapper à la police parisienne. N'oubliez pas qu'il y a eu ce printemps des peuples dans toute l'Europe en 1848 et que Paris est plein de ces réfugiés. L'autre homme est un Français. C'est un ami de Maurice, le fils adoré de Georges Sand, qu'elle surnomme d'ailleurs Bouly. Son ami s'appelle Alexandre Manceau et a à peu près le même âge que Maurice, à savoir 32 ans. D'après Catherine Guénec, il a une silhouette fine à la Musset, à la Chopin. L'homme, discret, modeste, exerce le métier de graveur sur cuivre. Ce soir de Noël, on transforme la salle de billard afin de pouvoir jouer une pièce, l'inconnu et Pierrot enlevé. On fait toujours ça chez Georges Sand. C'est elle qui a écrit le texte, bien entendu. Maurice et Eugène Lambert se sont chargés des décors. Sand est un temps attiré par l'Allemand, semble-t-il, qui a prolongé de 9 mois son séjour au château. Mais elle est finalement déçue et ne verra plus en Hermann qu'un excellent ami, un cœur d'or, mais un frère, rien de plus. Alexandre Manceau, lui aussi, a prolongé son séjour. Il s'est installé à Nohant. On lui a même arrangé un atelier dans lequel il peut tranquillement continuer à travailler. Or, cet Alexandre, il est fasciné par Sand. En fait, ça fait longtemps qu'il l'observe en silence. 2 ans peut-être davantage, semble-t-il. À Paris, précise Catherine Guénec, de la rue de Condé où loge son ami Maurice à son atelier rue Racine, il n'y a que quelques pas, souvent franchis par la Sand en visite chez son cher Bouly, mais à l'époque, elle n'est ni prête ni disponible. Après Noël 1848, tout change. Il semble aimer les femmes plus mûres, ce garçon, car il a déjà entretenu une relation avec une femme de 10 ans plus âgée que lui, Marie-Joséphine Guy. Ils auraient même eu un enfant que Manceau n'aurait pas reconnu et qui resterait son secret à jamais. L'amour entre eux va naître doucement mais sûrement. Voilà ce que nous dit Evelyne Bloch-Dano dans son ouvrage « Le dernier amour de Georges Sand », je la cite. « Alexandre Manceau est bien l'homme qu'elle attendait. Ni la différence d'âge et de milieu social, ni ses défauts, ni les réserves, voire l'hostilité de l'entourage, n'y changeront rien. » Et pour la première fois peut-être, elle éprouve un sentiment profond de sécurité. « Je suis comme transformée, je me porte bien, je suis tranquille, je suis heureuse, je supporte tout, même son absence, c'est tout dire, moi qui n'ai jamais supporté cela, » écrit-elle. Mi-mars, Alexandre doit se rendre à Paris. George Sand tombe alors malade. Evelyne Bogdano nous en apprend un peu plus. Ses migraines l'ont reprise et elle crache même le sang à flot, ce qui ne l'inquiète pas outre mesure, en tout cas moins que l'absence prolongée de Manceau. Le 23 mars, à peine Alexandre Manceau est-il rentré de Paris, qu'elle écrit à son éditeur et ami Pierre-Jules Hetzel « À présent, je sens que je vais bien me porter. J'ai envie de vivre, de travailler. Je vous dirai tout cela. » Et elle poursuit « La révélation viendra fin avril dans une très longue lettre à son éditeur, véritable profession de foi amoureuse. Oui, je l'aime, lui, écrit-elle. Je l'aime. Je l'aime de toute mon âme. Je l'aime avec tout ce qu'il est. Et il y a un calme étonnant dans mon amour, malgré mon âge et le sien. » Mais Sand est méfiante, elle veut protéger son amour comme une louve protégerait ses petits. J'ai retiré de l'expérience cette certitude qu'il ne faut pas se confier, qu'il ne faut pas conserver de ses secrets, converser de ses secrets, qu'il faut enfin avoir son secret à soi et ne pas permettre aux autres de vous en parler, écrit-elle à Hetzel. Cette prudence est le résultat d'aventures parfois amères, estime Bogdano. Elle a eu affaire aux médisances de toutes sortes et sa célébrité, sa vie amoureuse mouvementée en font une proie rêvée pour les ragots. Cette fois, elle tient à préserver son histoire avec Manceau. Voilà pourquoi elle demande même à Hetzel de brûler la lettre dans laquelle elle lui révèle son amour. Heureusement pour nous, il n'en a rien fait. Mais évidemment, tout n'est pas aussi rose dans cette histoire, car Maurice, le fils de George Sand, l'ami d'Alexandre, ne voit pas du tout d'un bon œil cet amour fusionnel. Il est pourtant toujours à la charge de sa mère. Et Manceau, nous raconte Evelyne Bogdano, prend entièrement en charge les travaux de l'atelier de Maurice, dessinant les plans, dirigeant les ouvriers, soignant les moindres détails. Manceau et Sand, pourtant, ne se quitteront plus. En sus de ses activités de graveur, Manceau devient le secrétaire personnel de George Sand, copiant les manuscrits de celles qu'il aime, classant ses documents, son courrier, allant même jusqu'à rédiger lui-même certaines lettres personnelles. Il tâte également de l'écriture et du théâtre. On a l'impression qu'il se sent pousser des ailes au contact de celles qu'il aime. Cet amoureux dévoué va aller jusqu'à aider George Sand à rédiger son journal, les fameux agendas, vous savez. Agenda dans lesquels elle consigne au jour le jour les humeurs, les rencontres, les lectures, les promenades. Et ici ou là, Sand a seulement complété des notes qui étaient écrites par Manceau lui-même. Au début du mois de février 1851, Solange, la fille de George Sand, revient à Nohant. La voilà qui débarque sans prévenir avec sa fille Jeanne, dite Nini. Sand accepte leur présence, mais elle refuse catégoriquement, évidemment, celle de son gendre. Elle avait eu tant de mal déjà à le chasser. Réconciliation superficielle, nous dit Evelyne Bogdano, car selon sa mère, Solange n'a pas pris la mesure de ses torts et surtout manque désespérément de cœur. Alexandre et Georges, quant à eux, n'auront, j'allais dire évidemment, jamais d'enfants. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du dernier amour de George Sand. Alors, je vous ai dit qu'ils n'avaient pas eu d'enfants tous les deux, mais ils ont la petite fille de George Sand. Et Manceau va s'en occuper vraiment d'une manière paternelle. Quant à elle, elle essaie de remplacer auprès de sa petite fille la maman absente, comme sa propre grand-mère l'avait fait avec elle, du reste. Sauf que ça ne pouvait pas durer. En mai 1853, Clessinger, l'épouvantable bonhomme, là, décidément, tombe sur les lettres d'un amant de Solange. Il est ivre de rage. Il débarque de nouveau à Nohant et il emporte avec lui, il emmène avec lui sa fille, la petite Nini, qu'on ne reverra jamais à Nohant, et pour cause. Elle va succomber à une scarlatine dans la nuit du 13 au 14 janvier 1855. George Sand est brisé, on la voit errer dans la maison en rassemblant les jouets de Nini. « C'était ma société, ma vie de tous les instants, la joie, la lumière de ma maison », dira-t-elle. En 1861, Maurice embarque pour un long périple en direction de l'Amérique, sur invitation du prince Napoléon. 5 mois d'absence qui vont laisser Georges folle d'inquiétude, mais qui la rapproche encore un peu plus d'Alexandre Manceau. Quel être tout cœur et tout dévouement, dit-elle. C'est bien probablement les 12 ans que j'ai passés avec lui du matin au soir qui m'ont définitivement réconcilié avec la nature humaine. Et elle ajoute, j'ai 46 ans, j'ai des cheveux blancs, cela ne me fait rien. On aime les vieilles femmes plus que les jeunes, je le sais. sais maintenant. Ce n'est pas la personne qui a à durer, c'est l'amour. Que Dieu fasse durer celui-là, car il est bon. Manceau, en 58, va offrir à Sande le plus beau cadeau qu'un homme lui ait jamais offert. Une maison, figurez-vous. Elle n'est pas grande, mais tout de même. Un jour, nous dit Catherine Guenec, Manceau déniche à 3 heures de Nohant sur les bords de la Creuse, à l'écart des routes, un petit coin de paradis tranquille, Gargilès. Et bien désormais, ils vont vivre entre Gargilès, Paris et Nohant. L'amour entre Sande et Manceau est si fort qu'à l'heure du choix entre son fils et son amant, si je puis dire, Sande va se tourner vers Alexandre. « Partons, mon vieux, partons sans rancune, sans fâcherie et ne nous quittons jamais », déclare Georges qui, contrainte et forcée, abandonne son cher Nohant à son fils ingrat, dans des conditions que je ne vais pas vous raconter là maintenant, pour suivre l'homme qu'elle aime. Ils ont donc ce pied à terre à Paris. Ils vont trouver un autre refuge en juin 1864 à une heure de Paris à Palaiseau. Et là, ils habitent une belle villa blanche de 3 étages avec jardin, propriété charmante, et ils filent toujours ce parfait amour. Sauf qu'en 63, la santé de Manceau a commencé à inquiéter Georges. Il tousse maintenant sans arrêt, il a l'air épuisé. En 64, le fils de Maurice, le petit cocoton, âgé d'un an, meurt à son tour. Georges tente de soutenir son fils du mieux qu'elle peut. Manceau s'occupe des formalités d'inhumation. Sand est à nouveau dévastée par le chagrin, évidemment. Pour oublier, elle fuit à Gargilès, et cette fois sans Manceau, mais avec un ami peintre, le gros Marchal, un gai convive à défaut d'être un prix de beauté, nous dit Catherine Guenec. À l'automne 64, cependant, Manceau, de plus en plus malade, va déposer son testament chez le notaire. L'hiver passe, puis le printemps arrive sans le moindre signe de guérison. Alexandre est de plus en plus faible et découragé. « Je ne vaux pas cher. Mauvaise nuit, triste jour, dit-il. Je tousse mes tripes et mes boyaux. J'en ai les flancs soudés. » Le 3 mai, c'est son anniversaire, peut-être le dernier. Note-t-il, quant à Georges, elle cache ses larmes, mais sa peine est immense. « J'aurai du courage, mais mon cœur se meurt », confie-t-elle dans une lettre au docteur Darchy. Alexandre Manceau meurt le 21 août 1865 au petit matin, dans les bras de Georges, qui lui ferme les yeux, le change et le couvre de roses fraîches du jardin. Bonjour, ma chère Meryl. Bonjour. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que vous en avez perdu votre voix. J'ai perdu ma voix d'émotion. C'est que vraiment, ça a été le moment le plus heureux de la vie de Georges Sand. Comme Colette avec Gouttequette. Et ce ne sont pas effectivement de grands artistes ou de grands créateurs, mais des gens qui l'ont accompagné, qui l'ont aimé. Et je pense, d'ailleurs, vous venez de brosser le portrait d'une femme moderne, d'une femme qui a vraiment montré le chemin. Parce qu'elle a été franche, elle a toujours été franche dans ses amours et elle a toujours été honnête. Nous revenons avec elle, avec Manceau et avec toutes les autres dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre de bien s'écrouler. Ne m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Tu m'aimes. Edith Piaf sur Europe 1 avec un extrait de son hymne à l'amour. Nous sommes au cœur de l'histoire des grandes amoureuses cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec la comédienne Macha Merrill, votre invitée, auteure de L'amour dans tous ses états aux éditions Flammarion. Macha Merrill est extra, nous dit Béatrice sur Facebook. Alors, ça n'est que l'un des très nombreux messages que nous avons reçus. Quelle popularité, Macha. Mais et quel amour. Je pense qu'on va revenir vraiment à nos grandes amoureuses. On leur doit beaucoup. Moi, je leur dois beaucoup. J'ai interprété Georges Sand dans un spectacle, donc je la connais bien aussi. Et il me semble que, vraiment, il y a 2 siècles, même presque 3 bientôt, elle nous a montré qu'est-ce que c'est être une femme. Et il n'y aurait pas eu d'émancipation sans ces femmes-là. Je vais vous lire un petit texte qu'elle a dit, que je trouve admirable. Je vous confesse que le désir d'accorder une théorie quelconque avec mes sentiments a été la grande affaire et la grande douleur de ma vie. Les sentiments ont toujours été plus forts que les raisonnements. Et les bornes que j'ai voulu me poser ne m'ont jamais servi à rien. J'ai changé 20 fois d'idée. J'ai cru par-dessus tout à la fidélité. Je l'ai prêché, je l'ai pratiqué, je l'ai exigé. On y a manqué. Et moi aussi. Et pourtant, je n'ai pas senti le remords. Parce que j'avais toujours subi dans mes infidélités une sorte de fatalité, un instinct de l'idéal qui me poussait à quitter l'imparfait pour qui me semblait se rapprocher du parfait. Et moi, je trouve ça génial parce que je pense qu'on progresse en amour. Et qu'effectivement, son dernier amour est le meilleur de tous. Mais oui, c'est assez frappant. Voilà. On a l'impression, si on devait faire la liste, alors bon, avec des hauts et des bas, mais on a l'impression que plus le temps passe et plus elle choisit des hommes qui lui conviennent. Et effectivement, le dernier, finalement, sera le bon, d'une certaine manière. Parce qu'il a des qualités morales, que pour elle, c'est très important, parce que Musset était un voyou. Chopin était vraiment un homme insensible aux autres. Et donc, elle a trouvé finalement cette simplicité qu'il doit y avoir dans l'amour. Et ça, c'est moderne. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas forcément assorti avec quelqu'un de flamboyant, de formidable. Le bonheur, il vient par des chemins très, très petits, quelquefois. Et l'imparfait, pour ce qui me semblait, s'éloigner de l'imparfait, pour ce qui me semblait se rapprocher du parfait. L'expression est juste. Donc, il y a une recherche intellectuelle qui est quand même d'aller vers le bien, c'est la vie bonne, n'est-ce pas, de la philosophie. Et en même temps, il y a cette simplicité, cette honnêteté. Vous parliez de modernité tout à l'heure. Ce qui est assez frappant, c'est de voir qu'elle est souvent... c'est elle qui décide, en quelque sorte. Elle choisit... Elle choisit parce qu'elle est intelligente et qu'elle est quand même une exception. Elle a un cerveau quand même vraiment exceptionnel. Moi, ce que j'aime chez elle, c'est la limpidité de sa pensée. C'est extraordinaire. Elle arrive à formuler d'une façon très claire des choses très compliquées. Et elle a surtout... était, contrairement à d'autres amoureuses dont nous parlerons, elle, c'était une intellectuelle. C'est une femme bien réfléchie et qui savait que la pensée, ça se développe, ça n'est pas tout de suite. Et que donc, quand elle a rencontré cet homme, un peu comme ça, à l'automne de sa vie, elle était, elle, une femme meilleure. Elle était une somme de choses et de connaissances. Et moi, je pense que dans l'amour, il y a une grande donnée culturelle. Il faut savoir des choses pour bien aimer. Il faut être un peu... instruit. Il faut avoir roulé sa bosse un peu. C'est ça, il faut du vécu en fait. Il faut l'épaisseur d'une vie et d'une expérience pour être capable de s'orienter soi-même un peu mieux. Alors, vous avez écrit un livre rêvé, cher Macha, puisque en fait, c'est une collection comme un bouquet de fleurs, là, vraiment, c'est ça. Une collection de nouvelles, de scénettes, même de sketchs pour certains, de poésie. Il y a des poésies et des chansons. Enfin, toutes sortes d'hymnes à l'amour, si je puis dire, à des amours très différents, on y viendra tout à l'heure d'ailleurs, mais avec ce point commun d'une certaine manière, que ce sont des amours, moi ça m'a vraiment frappé, les yeux ouverts, si je puis dire. On est assez souvent loin de la passion aveuglante, on est plutôt dans la compréhension et la construction de quelque chose. Et parce que je crois que dans l'amour, il y a trois phases. Il y a l'émotion, la rencontre, le coup de foudre, les premiers temps. Il y a... les mois. La compréhension de ce qu'on vit, ça, ce sont les humains. On ne peut pas vivre les choses sans essayer de les analyser. Et puis, il y a la troisième chose qui est le commentaire. Le commentaire, ça, c'est nous. C'est les artistes. C'est-à-dire mettre en forme quelque chose qui nous paraît tellement surprenant. Parce que quand même, ça reste très, très, très mystérieux, l'amour. On n'a pas tout compris. Et on continue à révéler des choses de soi-même mystérieuses. C'est-à-dire qu'à travers l'amour, on se découvre soi-même, on se révèle soi-même. Et donc, je pense qu'on fait ce travail aussi pour l'autre. C'est-à-dire qu'on est aussi, on fait de l'initiation réciproque. Et chacun révèle l'autre. C'est ça qui est très fort dans l'amour. C'est que, en fait, on n'est plus deux. On a l'impression, alors c'est peut-être aussi les années qui ont fait ça, mais on a l'impression, pour continuer avec Georges Sand et Alexandre Manceau, que, au contact de Manceau, elle s'est beaucoup calmée, assagie. On a l'impression qu'elle prend davantage le temps des choses. Alors c'est vrai que ces deuils qui s'accumulent, oui, lui on s'en doute probablement. Elle a surtout eu une grande déception politique. Hein, ah oui, 48 l'a vraiment effondrée, oui, vraiment. Les massacres et tout ça. Elle vivait dans une forme d'utopie qui s'est effondrée. Et puis lui, alors c'est encore bien plus frappant, lui au contact de George Sand, il s'épanouit, il multiplie ses talents, il grandit. Je crois que le terme, on est bien dans la croissance. Mais moi, je crois que c'est fatal. Dans l'amour, on se donne le meilleur de soi. Et donc, on fait un don à l'autre de qualité, de force, etc. Et si ça se passe pas comme ça, c'est raté. Il faut absolument que les deux se développent. Alors, elle avait de l'avance parce qu'elle était plus âgée, mais aussi parce qu'elle était quand même un phénomène. Hein. C'était vraiment quand même une lumière dans le siècle. Moi, je suis vraiment baba d'admiration devant George Sand. C'est mon modèle numéro un. Et je comprends très bien que les féministes récemment l'ont prise comme égérie parce que elle a quand même dit tout ce qui se réalise maintenant il y a 3 siècles. Et c'est-à-dire qu'elle savait qu'elle ne le verrait pas de son vivant. Et elle a essayé un tout petit peu de le vivre quand même dans ce couple un peu anticonformiste. À l'époque, tout de même, toutes les femmes n'étaient pas avec un homme beaucoup plus jeune et sans l'épouser et sans le consensus. Donc elle a avalé tout ça. Elle a accepté l'anticonformisme jusqu'au bout. J'ai intitulé cette émission « Les grandes amoureuses » et Pouki nous demande sur Facebook ce que c'est qu'une grande amoureuse. Est-ce qu'il y a des grandes et des petites amoureuses ? On connaît le témoignage des grandes. Peut-être qu'il y a des grandes qui n'ont pas écrit. Mais je pense que quand même, c'est le sujet absolu de toute la littérature, du théâtre, de la poésie. Il n'y a que l'amour. On peut dire que Aragon est une grande amoureuse. Oui, pourquoi pas, ça ne lui aurait peut-être pas convenu. Et on peut dire que Lou Salomé a été une grande amoureuse. Et il y a des amoureuses qui n'ont pas été heureuses. Parce que, attention, c'est pas le bonheur, forcément. L'amour, ça fait peur, ça peut se faire souffrir. Ça fait même presque toujours souffrir. Il y a un nom qui est déjà venu 2 fois depuis le début de cette émission, c'est celui de Colette. Mm-hmm. Est-ce que Colette est un peu, en quelque sorte, une réincarnation, un avatar de George Sand au XXe siècle ? Alors moi, je pense pas. Je pense qu'elle était très jalouse de George Sand parce que George Sand avait produit davantage qu'elle et qu'elle avait surtout ordonné sa pensée. Colette, c'était une jouisseuse, c'était une sensuelle et une révolutionnaire à sa manière parce qu'elle a imposé des amours diverses, c'est-à-dire l'amour pour les animaux, l'amour pour les femmes, l'amour pour la gourmandise, c'est-à-dire des choses qui dépendent toutes du même tronc, c'est-à-dire de la sensualité, mais pas correcte, pas politiquement correcte. Oui. George Sand, elle aurait bien voulu quand même que le monde change dans le bon sens. D'ailleurs, elle prédisait que le monde changerait dans le bon sens et elle a eu raison. Parce que la démocratie a gagné, parce que quand même la vie s'est allongée, parce qu'on souffre moins et que tout le monde quand même aspire au bonheur. C'est vrai qu'il y a une époque où l'on mettait les ouvrages de Colette sur les étagères un peu hautes de la bibliothèque. Sulfureux. Moi, j'ai lu en cachette l'ingénue libertine et le blé en herbe. Chez moi, il n'y avait pas ces livres-là. Et je pense que ça a été... D'ailleurs, elle a commencé avec les Claudine, qui étaient tout à fait scandaleux. Oui, qui parlait d'amour saphique. Alors, elle a compris une partie de ce développement de l'époque et de la modernité, c'est-à-dire le scandale. Que quelquefois, la vérité passe par le scandale. Il faut se frayer un chemin dans des choses interdites. Ça, George Sand, c'était pas son truc. Elle s'est habillée en homme pour pouvoir travailler, parce qu'à l'époque, les femmes n'entraient pas dans les rédactions de journaux, et que tout simplement, il fallait qu'on l'accepte. Elle a changé son nom, George, sans S, mais quand même un nom un peu masculin. Mais c'était par commodité. Tandis que Colette, elle a pataugé dans le scandale. Ça lui a plu. Elle s'est amusée de tout cela. Et quand on dit que Willy l'a exploité, moi, je pense qu'elle s'est exploitée elle-même. Elle avait en elle toute cette veine du scandale, pur et de l'impur qu'elle a écrit tellement bien. Cet amour avec Bertrand Jouvenel, qui aurait pu être son fils, à elle aussi. C'est formidable l'histoire. Elle avait 53 ans, il en avait 17. Et c'est elle qui l'a chassée parce qu'elle n'en pouvait plus. Il l'a baisée du matin au soir. Elle lui a dit, écoute, va te marier. Elle n'en pouvait plus. Et c'était quand même pas du tout une vengeance parce que c'était quand même, elle avait été plaquée par le père. Mais c'était pas de la vengeance. C'était vraiment de l'amour. Et c'était, alors, quand on laisse libre cours à l'amour, il se passe des choses extravagantes. C'est un peu ça que j'ai essayé de raconter dans mon livre. C'est qu'il y a 1000 formes d'amour et que toutes sont belles. Avec Masha Meryl aujourd'hui, nous parlons de l'amour dans tous ses états. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Tu sais bien que... ainsi. Je ne te quitterai mon amour. Pas. Faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi. Mais je sais que toi, tu m'attends. Pleure pas, je t'en supplie. 2 ans, non, je ne pourrai pas. Calme-toi, il nous reste si peu de temps. Si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. On repart un extrait de la bande originale du film Les Parapluies de Cherbourg, réalisé par Jacques Demy et sorti en 1964. Voilà une belle musique amoureuse, n'est-ce pas, Macha ? C'est moi, ça. Écoutez, me semble. Je pense que la plus belle histoire de toutes, c'est la mienne. Voilà. J'ai retrouvé Michel après 50 ans. Et ça ressemble un peu à l'histoire de Georges Sand avec Manceau. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelque chose est apaisé en moi. J'ai compris qu'il y avait une solution. Et la solution, c'est d'être pareil, de penser les mêmes choses, de vouloir les mêmes choses, de ne pas s'éloigner l'un de l'autre. La fameuse complémentarité, vous n'y croyez pas, non, vous, que pas les amours tout. Sont d'autant plus fortes que on est différent, non ? On se construit peut-être en cours de route avec des histoires contrastées, mais le vrai bonheur, il n'est que quand il y a un accord profond, que les différences ne sont pas immenses. Elles peuvent des petites différences quand même, hein, mais pas des grandes. Et ça, c'est ce que je suis en train de vivre avec Michel, et c'est un bonheur absolument époustouflant. C'est l'harmonie, là, voilà. C'est le mot qui convient. Voilà. J'aime beaucoup la couverture de votre livre, Macha. On voit deux cartes oui. À jouer, hein, avec une dame de cœur et un valet de cœur qui se retournent pour se regarder. Ils essayent de se rejoindre, mais ils n'y arrivent pas à sortir de leurs cartes. C'est la dimension hasardeuse de l'amour. Voilà, je déteste pour ça les sites de rencontres, parce qu'on triche sur cette chose fondamentale qui est le hasard. Le hasard, il nous gouverne, et c'est ça qu'on aime dans l'amour. Si c'est pas surprenant, c'est pas vraiment intéressant. Et si on n'accepte pas cette notion du hasard, je pense que on fausse quelque chose qui est une volonté supérieure. Moi, je suis pas croyante, mais je pense qu'il y a quand même ce qu'on appelle le destin. Et le destin, il vous amène sur des chemins que on n'a pas prévu. Et donc, on peut pas acheter un compagnon comme un produit au supermarché. Il faut absolument... À partir de critères qu'il arrive, référencés. Il faut le mériter. Donc, il faut se construire toute la vie. Il faut se bonifier toute la vie. Et puis, quand il arrive, il arrive. S'il n'arrive pas, ben, écoutez, pas de chance. Alors, je suis étonné de voir que, finalement, nous avons pris comme exemple de toutes ces grandes amoureuses, essentiellement des femmes de lettres. Il y en a d'autres, d'ailleurs, qu'on pourrait continuer sur le registre. Je pense à Françoise Sagan, par exemple, oui. Qui serait... c'est pas mal comme trilogie. George Sand, Colette, Françoise Sagan. Pas mal. Elle a commencé par épouser son père. Avec Scheller, et puis ensuite, moi j'ai une petite théorie sur Sagan. Je pense qu'elle s'est bloquée dans l'âge de l'adolescence. Et elle, par contre, elle ne s'est pas développée. Elle a souffert le martyr à la fin de sa vie, parce qu'elle continuait à être une petite fille martyrisée. Tandis que les deux autres, et puis d'autres qu'on peut citer, comme, je sais pas, la marquise de Sévigné, comme Marguerite Duras, elles ont changé. Elles ont accepté leur nature profonde. Et c'est au fond... Elles l'ont découverte, peut-être. Je pense aussi, que l'amour, hein, fait découvrir ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'amour peut aussi être une leçon d'humilité. Il faut accepter ce qu'on aime vraiment. Et quelquefois, c'est pas du tout flamboyant ou glorieux. C'est dans mon cas, ce ça l'est, parce que j'ai choisi le meilleur. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose de la modestie dans l'amour, de l'humilité. Il faut peut-être accepter ce qu'on est soi-même. Ah, ben voilà, pensons à Simone de Beauvoir, par exemple, qui ne s'acceptait pas d'une et certaine manière. Et moi, je pense qu'elle, elle est la négation de l'amour, Simone de Beauvoir. Si on peut dire que ce n'est pas une femme amoureuse, alors elle est la championne. Elle a raisonné toute sa vie. Elle a quand même refusé l'amour parce qu'elle l'a rencontré avec son ami américain. Elle a Irène Frein, qui est venue chez vous, a écrit un très beau livre là-dessus. Et c'est un drame parce que, à mon avis, on ne s'en remet pas. Quand on refuse l'amour, quand on le voit pas passer. Et quand on le voit passer, ça veut dire qu'on est prêt. Ça veut dire qu'il va entrer en vous. Je sens que nous allons faire beaucoup de podcasts avec cette émission. Vous avez appelé votre livre « L'amour dans tous ses états » parce que c'est vrai que vous essayez, à travers ces scénettes, ces nouvelles, etc., vous essayez d'aborder différents types d'amour. Là, nous parlons depuis le début de cette émission du grand amour romantique tel qu'on peut l'imaginer. Mais il y a toutes sortes d'amour, pour reprendre simplement la table, amour conjugal, amour maternel, amour d'artiste. Amour filial, etc. Vous êtes venu avec votre fils d'ailleurs vous-même. Cet amour filial, il joue un rôle important. Vous parliez de Madame de Sévigné, le moins qu'on puisse dire, c'est que chez elle, il est frappant. Fou, hein. C'est même incroyable, c'est même proche de l'inceste. Elle a une passion, pour sa fille. Et moi, je pense que sa fille a fui, elle est allée à Grignan parce qu'elle n'en pouvait plus. L'autre bout du royaume. Ce qui est amusant, c'est que je me suis demandé pourquoi personne n'avait eu cette idée avant moi. C'est de brosser une sorte de florilège de toutes les situations d'amour de nos contemporains. Quelqu'un aimablement m'a comparé à Saint-Simon. Oui. J'ai fait des portraits. Ou à la Bruyère aussi. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des amours de tailles différentes, comme il y a des individus de tailles différentes, et qu'il faut accepter cette diversité. Bien sûr que sur le plan des droits, tout le monde doit avoir le même droit. Mais l'accès à cette chose sublime qu'est les sentiments, la compréhension, la sensibilité, on n'est pas tous dotés de la même façon. Et on n'a pas tous non plus les mêmes paysages, les mêmes rencontres, on n'est pas dans le même endroit. Donc moi, ça m'a intéressé de voir comment est-ce qu'un retraité aime son chat, comment est-ce qu'une paysanne aime son mari, comment est-ce qu'une petite fille est amoureuse de son père. Même quand c'est à la limite de la moralité, c'est toujours intéressant parce que ça décrit la situation dans laquelle on est et les moyens qu'on a. Dans le cas de Madame de Sévigné, c'est d'autant plus frappant qu'on la voit constamment assez froide avec tout le monde, finalement, y compris avec son propre fils. Tiens, je vais vous lire un petit texte de... Elle a eu un soupirant, après être veuve, puisque son mari est mort en duel pour une épouvantable courtisane qui s'appelait Lolo, et elle est restée toute sa vie veuve, parce qu'elle était amoureuse de sa fille, il faut bien le dire. Et alors quand même, il y en avait un qui s'appelait Gilles Ménage, elle dit ceci de lui... Le poète académicien et abbé très mondain... C'est un des fondateurs de l'Académie française, en l'occurrence. Gilles Ménage hésitait entre ma grande amie Madame de Lafayette et moi-même. Je l'ai baisé au front en lui criant « C'est comme cela que l'on baisait dans la primitive église. Il s'enflamma, Madame, je suis votre martyr. » Je lui répondis « Et moi, votre vierge. » Mais rendons à Ménage ce qui est à Ménage et citons son morceau de bravoure qui fait jaser dans les hôtels. J'adorais Madame de Lafayette en vers et Madame de Sévigné en prose. Mon ami l'inspirait, mais c'est à moi qu'il parlait d'amour. Veuve pour mes 25 ans lorsque mon mari fut tué en duel pour une certaine Lolo. Je repense à ce que dit mon cousin Bussy. Bussy Rabutin, le célèbre. Madame de Sévigné aimait son mari, mais ne l'estimait pas. Lui n'aimait pas sa femme, mais il l'estimait. Et je crois qu'il y a beaucoup de couples comme ça, malheureusement, où l'amour n'entre pas. Là, c'est plus l'amour, là. Et ça, l'amour, c'est autre chose. Est une valeur récente. Et n'oubliez pas que c'est Freud qui a quand même créé cette recherche de l'amour et le mariage d'amour. Parce que le mariage était toujours une chose pour protéger les terres, pour la famille, pour la lignée. Et c'est pas parce que les mariages étaient très souvent dépourvus d'amour, pas toujours, mais très souvent. C'est pas pour autant qu'on n'avait pas par ailleurs des histoires d'amour. Le cas de George Sand est frappant, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un mariage qui effectivement n'a pas grand-chose à voir avec l'amour, mais ensuite il y a beaucoup d'histoires d'amour quand même. Alors l'amour a toujours existé et même dans les. Mais est-ce qu'il est magnifié? Est-ce qu'il est reconnu par l'institution? Et surtout, est-ce qu'il est une fin à suivre? Je pense que c'est sûr. En train de le devenir. Voilà, c'est ça. Et c'est ça la grande nouveauté. C'est-à-dire et je suis fière de voir que tous les philosophes, quand j'ai écrit ce livre, j'ai pas lu les philosophes, eh bien, ils s'accordent à dire que c'est la seule valeur qui nous reste. C'est-à-dire, c'est celle qui va unir les humains, véritablement. C'est peut-être le grand rêve chrétien ou le grand rêve marxiste qui est en train de se réaliser. Moi, je suis très optimiste sur les couples futurs. Il faut pas oublier que cette religion chrétienne, elle est fondée, théoriquement, sur l'amour, précisément. Il y a des grandes figures d'amour, d'ailleurs. On pense à, à Mère Teresa, dont on a parlé ici même il y a quelques temps. Elle a, avec Sœur Emmanuelle, elles ont donné leur corps au Christ. C'est quand même une forme d'amour tout à fait charnelle aussi. On peut pas dire que ce soit. Parce que alors on pourrait en parler des heures, mon cher Franck, c'est que l'esprit et le corps, c'est la même chose. C'est pas, s'il n'y a pas d'amour. Alors, il y a une phrase formidable de George Sand qui dit, l'amour, attendez, je vais vous le lire, ça, c'est formidable. Elle dit, il y a, J'ai connu plusieurs sortes d'amour. Amour d'artiste, amour de femme, amour de sœur, amour de mère, amour de religieuse, amour de poète, que sais-je. Il y en a qui sont nés et morts en moi le même jour, sans s'être révélés à l'objet qui les inspirait. Il y en a qui ont martyrisé ma vie et m'ont poussé au désespoir, presque à la folie. Et puis, elle dit cette chose extraordinaire. Ce mot d'amour physique, dont on se sert pour exprimer ce qui n'a de nom que dans le ciel, me déplaît et me choque comme une impiété et comme une idée fausse en même temps. Est-ce qu'il peut y avoir, pour les natures élevées, un amour purement physique et pour les natures sincères, un amour purement intellectuel ? Est-ce qu'il y a jamais d'amour sans un seul baiser et un baiser d'amour sans volupté ? Donc déjà, elle disait que sans sexualité, il n'y a pas d'amour et sans amour, il n'y a pas de sexualité. Les deux choses sont absolument unies. Le phénomène lui-même est néanmoins tellement plus vaste. Je voudrais citer quelques vers signés Macha Meryl à propos de l'amour des objets, qui est très important, et je sais que certains de nos auditeurs y seront sensibles. Deux chaises en bois tourné s'aimaient d'un amour tendre. Deux jumelles d'atelier du même palissandre, l'ébéniste, leur maître, les conservait pour lui, fiers de leurs entrelacs si longuement reluits. Elles servaient de modèle et souvent les clients les montraient en vitrine et demandaient « Combien ?» Mais la réponse était sempiternellement « Oh non, celles-là je ne les vends pas, j'y tiens. Ce sont mes deux mascottes, elles ne me quittent pas, je peux vous les refaire encore plus belles que ça, mais pas celles-là. » Et l'amour est partout, parce que je crois qu'il y a de l'amour entre les plantes. On a découvert maintenant qu'elles communiquent, elles parlent, les arbres parlent entre eux. Donc je pense que, évidemment, cette force-là, et c'est pas par hasard que les religions s'en sont emparées, c'est celle qui nous unit tous et qui nous fait vivre. Alors, je voulais citer l'ouvrage d'Evelyne Bloch-Dano, « Le dernier amour de George Sand ». C'est au livre de poche, réédité au livre de poche, dans un tout petit minuscule volume chez First Edition, « Le petit livre des grandes histoires d'amour » de Catherine Guénec, que nous avons également cité. Gavin's Clément Ruiz, « Les coups de foudre qui ont fait la France », ça c'est le roman vrai des grands amoureux de l'histoire. Et puis, pour résumer tout cela et aller bien plus loin encore, de Macha Meryl, « L'amour dans tous ses états », c'est édité chez Flammarion. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Julien, qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Julien voudrait savoir pourquoi on représente les saints et les saintes avec une auréole au-dessus de la tête. Alors d'abord, d'où vient, Julien, ce terme d'auréole ? Ça vient d'auréola corona, qui voulait dire la couronne en or. C'est la matière qu'on désigne par l'auréole au départ. Et depuis très longtemps, dans toutes les représentations les plus anciennes, dans l'Égypte ancienne par exemple, le dieu Ré, Amon Ré, vous savez, est représenté avec le disque solaire posé sur sa tête. De même, dans la mythologie grecque, le dieu Hélios, le dieu du soleil, comme par hasard, hein, l'équivalent de Ra chez les Égyptiens, est représenté aussi avec ce disque solaire. La plus célèbre représentation qu'on en ait, c'est le colosse de Rhodes, bien entendu. C'est sous l'Empire romain que l'on va se mettre à représenter cette auréole, sous la forme d'un cercle parfait. Sur les représentations d'empereurs, n'oublions pas que les empereurs de Rome étaient divinisés, il fallait indiquer justement cette dimension solaire et divine qui était les leurs et qui était la leur. Et évidemment, dans un premier temps, on se garde bien dans l'art chrétien d'utiliser des auréoles, puisque c'était spécifique aux empereurs, c'était païen si vous voulez. Et puis petit à petit quand même, on se met à émettre une auréole à partir du 5e, 6e, à la Vierge, au Christ, etc. À partir du 12e siècle, on fait un cercle qui est centré sur le visage du saint, et alors là ça devient général, et c'est à la Renaissance seulement que l'auréole va se symboliser en quelque sorte. Ça ne devient plus qu'un petit rond, de plus en plus petit d'ailleurs, un petit cercle au-dessus de la tête du saint, qui est resté aujourd'hui et qui est devenu presque, parfois, quasiment, sur la tête de certains d'entre nous, quasiment ironique.